toujours opérationnel. Dans toutes les bordels, les mêmes phrases qui reviennent. On ouvre moins de modèles. À quoi bon lutter, seul Dieu est éternel. C'est dans nos gènes depuis la maternelle. À la fin du film, gros, on va tous perdre. Plus de mitraillettes et de micro. On va tout perdre. Plein de détails, ce micro. On va tout perdre. On va tous perdre. Pour nos sœurs qui souffrent, toujours une pensée sincère. Bah ouais, ta mère la pute, c'est ton blase à la Sassène. De Marseille à Bilbao, le tarot est imbattable. Parapute, pipe en haut, j'crache ma vie de bâtard. Bon bref, à ceci, alcool et bisutage. Mon oseille, je vais le prendre, j'connais pas les deux sous table. Tout a un prix, comme à montrer tachage. J'ai leur brûlé tel les prix qu'ils croyaient tacha. Dans le match, j'ai mes repères, Michala, j'serais grand-père. J'connais pas un fils de pute sur terre qui serait heureux de perdre. Voyons, reste mignon, ombré, une affaire à de millions. Ta pointe de grâce cambrée, c'est bien fait, sont éphémères. Où ça n'est qu'artifice, je te laisserai de conseils et des principes quand je serai parti fils. Mister You, la crime, son équipe au tarpin. Le son qui pue la rue, car on a son parfum. Toujours opérationnel dans tout ce bordel. Les mêmes phrases qui reviennent, on ouvre moins de modèles. À quoi bon lutter, seul Dieu est éternel. C'est dans nos gènes depuis la maternelle. À la fin du film, gros, on va tous perdre. Plus de mitraillettes et de micro. Que les haineux, ces fils de pute, ils ont trop le seum qu'on pèse. En 2013, c'est plus eux, mais leur baronne qu'on pèse. Ils retravaillent nos faces, ils rêvent d'avoir nos vécus. Ils sont comme des hémorroïdes, ils arrêtent pas de nous bouffer le cul. Un imbécile peut être un génie quand il revient de loin. Ils ont découvert l'Amérique en croyant rejoindre l'Inde. Tu peux tout perdre sur un coup de poker et je parle pas de ta plainte. Une chose est sûre, c'est que l'ange Gabriel prendra pas ta plainte. J'ai bien que la frappe de Ketama vaut mieux que le chocolat Lindt. Je connais la vengeance des femmes, je connais l'histoire de Hinet. J'ai trop la dalle, fils, y'a qu'à regarder des micros. Je vais faire l'appel de la prière, mais c'est qui me tient le micro. N'est pour mourir, y'a pas que dans ce parc, on est Kenny. Flot à la 23ème chambre, rap ça les flagrants délits. Crois-moi qu'on va tout perdre, n'écoute pas tout cet arbre. J'allais en faire tout le tour du monde, et cette fois, nous de la caille. Opérationnel.